Book 2 76 76 76 إبداء الأسباب 2 Argumenter quelque chose 2 Argumenter quelque chose 2 لماذا لم تأتي؟ Pourquoi n'es-tu pas venu? Pourquoi n'es-tu pas venu? كنت مريضاً. J'étais malade. J'étais malade. أنا لم آتي لأني كنت مريضاً. Je ne suis pas venu parce que j'étais malade. Je ne suis pas venu parce que j'étais malade. لماذا هي لم تأتي؟ Pourquoi n'est-elle pas venue? Pourquoi n'est-elle pas venue? كانت تعبانة. Elle était fatiguée. Elle était fatiguée. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Elle n'est pas venue parce qu'elle était fatiguée. Elle n'est pas venue parce qu'elle était fatiguée. لماذا لم يأتي؟ Pourquoi n'est-il pas venu? Pourquoi n'est-il pas venu? لم يكن عنده رغبة. Il n'avait pas envie. Il n'avait pas envie. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Il n'est pas venu parce qu'il n'avait pas envie. Il n'est pas venu parce qu'il n'avait pas envie. لماذا لم تأتوا؟ Pourquoi n'êtes-vous pas venu? Pourquoi n'êtes-vous pas venu? سيارتنا معطلة. Notre voiture était en panne. Notre voiture était en panne. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Nous ne sommes pas venus parce que notre voiture était en panne. Nous ne sommes pas venus parce que notre voiture était en panne. لماذا لم يأتي الناس؟ Pourquoi les gens ne sont-ils pas venus? Pourquoi les gens ne sont-ils pas venus? قد فاتهم موعد القطار. Ils ont manqué le train. Ils ont manqué le train. لم يأتوا لأن موعد القطار Ils ne sont pas venus parce qu'ils ont manqué le train. Ils ne sont pas venus parce qu'ils ont manqué le train. لماذا أنت لم تأتي؟ Pourquoi n'es-tu pas venu? Pourquoi n'es-tu pas venu? لم يسمح لي. Je ne le pouvais pas. Je ne le pouvais pas. لم آتي لأني لم يسمح لي. Je ne suis pas venu parce que je ne le pouvais pas. Je ne suis pas venu parce que je ne le pouvais pas.